Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanujjota, retraite de méditation Vipassana 2018, centre d'Amarancy. Aujourd'hui, Sayadaw va nous parler des quatre méditations protectrices. Il en a déjà parlé hier et a expliqué que ces méditations protectrices constitue une introduction à Vipassana. Elles vont permettre aux méditants de développer le calme. Il se sentira en sécurité tout au long de son cheminement Vipassana. Hier, Sayadaw a parlé de Buddha Nusati, la contemplation des qualités du Bouddha, qui est la première de ces quatre méditations protectrices. Il a expliqué que vous pouviez consacrer une minute de votre temps le matin tôt à cette contemplation des vertus du Bouddha. Vous pouvez donc consacrer une minute à cette pratique. Vous pouvez choisir parmi les 9 qualités du Bouddha une, deux ou trois qualités sur lesquelles vous allez vous concentrer. Vous allez le faire avant de pratiquer Vipassana pendant une minute. Une autre façon de pratiquer la contemplation des vertus du Bouddha, c'est de le faire au moment où vous vous prosternez, que ce soit le matin tôt avant de commencer la méditation Vipassana ou en cours de journée. Vous faites les 3 prosternations d'usage et vous réfléchissez aux qualités du Bouddha au moment où vous vous prosternez. Ceci est suffisant. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la deuxième de ces méditations protectrices, Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. Metta, l'amour bienveillant, c'est s'efforcer de rendre ses amis heureux. C'est la signification de Metta, vouloir rendre ses amis heureux. Le désir de rendre ses amis heureux, de leur venir en aide, c'est la signification de base de Metta. Si vous souhaitez voir vos amis heureux, si vous souhaitez qu'ils trouvent le bonheur dans la vie, vous avez metta. Si vous avez cet état d'esprit de bienveillance à l'égard de vos amis, cela veut dire que vous vous contrôlez au niveau des actes, au niveau des paroles et au niveau de l'esprit. Vous venez de prendre les 9 préceptes, mais ceci n'est pas la façon ordinaire de prendre les préceptes pour les laïcs. Cela se fait uniquement dans une retraite. Dans la vie de tous les jours, les laïcs sont invités à respecter 5 préceptes de base. Ces 5 préceptes de base que tout laïc doit s'efforcer de respecter sont tout d'abord s'abstenir de tuer, ensuite s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, ensuite s'abstenir de se méconduire sexuellement, ensuite s'abstenir du mensonge, et enfin, s'abstenir de drogue ou de boissons alcoolisées. Ce sont donc là les 5 préceptes de base. Pensez-vous que c'est facile de les respecter dans la vie de tous les jours? Non, ce n'est certainement pas facile. Il faut donc savoir qu'il y a 5 préceptes de base à respecter. Il est important de le savoir. Le Bouddha explique que si un fermier ne sait pas combien de têtes de bétail il a, il lui sera très difficile de contrôler son cheptel. De la même façon, le méditant doit savoir qu'il existe 5 préceptes, qu'il doit les respecter. S'il ne sait pas que ces 5 préceptes existent, il lui sera très difficile de contrôler sa vie. Sayadaw explique qu'il y a un lien entre metta et sila, entre les préceptes moraux et l'amour bienveillant. Pensez-vous qu'une personne qui a tué une autre personne a du metta? Certainement pas. Il est donc important de connaître les 5 préceptes. Vous devez essayer donc d'apprendre à connaître ces préceptes moraux. Vous pourrez ainsi vous contrôler tant au niveau de la parole qu'au niveau physique et au niveau mental. Et à l'inverse, si une personne se dirige vers vous pour vous tuer, que penseriez-vous de cette personne? Vous voyez donc qu'en prenant les préceptes moraux et en les reprenant chaque jour, vous n'allez pas grossir le nombre des personnes qui sont pleines de haine. Vous allez au contraire penser à leur bonheur. Vous allez essayer de les rendre heureuses. Vous serez plein de métta. En tuant quelqu'un, vous privez cette personne de sa vie, vous la privez de tout son bonheur, de tout son bien-être. Le respect des préceptes moraux est donc la base pour Metta Bhavana, l'amour bienveillant. Vous n'aurez pas dans l'esprit l'intention de nuire aux autres, vous serez au contraire toujours désireux de les voir heureux. Et ceci, c'est précisément Metta. Si vous voulez être positif par rapport aux autres, si vous voulez les rendre heureux, il faudra que vous contrôliez vos paroles, vos actes et votre esprit. Il y a trois sortes de metta. Le metta vocal, vous dites des paroles agréables à entendre aux autres. Il y a le metta physique, vous leur venez en aide s'ils en ont besoin. Et enfin, il y a le metta mental. Tous les matins, vous récitez tous ensemble le Metta Bhavana, vous commencez par vous-même, Aham Awero Homi, vous passez ensuite à la totalité des êtres. Ceci, c'est le Metta mental. Sayadaw voudrait savoir comment vous pratiquez Metta Bhavana. Lorsque vous récitez ces paroles, quelle est votre attitude? Est-ce une simple récitation machinale ou est-ce que vous vous concentrez vraiment sur la signification des mots et sur les personnes vers qui vous rayonnez votre metta? Lorsque vous pratiquez cette méditation sur l'amour bienveillant, vous devez vous focaliser de façon pénétrante sur les paroles et sur les personnes ou les êtres vers qui vous envoyez votre metta. Vous commencez par vous-même, vous vous concentrez sur vous-même et vous vous souhaitez d'être heureux et en paix. Est-ce facile de faire ça? Si vous deviez envoyer metta à votre propre famille ou à la famille d'un autre, quelle famille choisiriez-vous d'abord? Il est fort probable que nous choisissions notre propre famille d'abord. C'est naturel, c'est normal. Mais après, nous passons à la totalité des êtres partout dans l'univers. Nous pensons aux autres dans un deuxième temps. Et vous allez souhaiter aux autres familles la même chose que ce que vous avez souhaité à votre propre famille. Vous prenez votre propre famille comme exemple. En ce qui concerne le Bouddha, il ne faisait aucune différence entre ce qui lui appartenait à lui et ce qui appartenait aux autres. Aucune différence entre sa famille et celle des autres. Il avait Karuna et Metta pour la totalité des êtres partout dans l'univers. Mais nous, nous commençons toujours par nous-mêmes, par nos proches, par notre famille, et nous élargissons ainsi le cercle jusqu'à englober la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. Lorsque vous envoyez votre metta à votre famille ou à d'autres personnes, essayez de visualiser ces personnes, essayez d'introduire dans votre esprit leur visage. Concentrez-vous sur ce visage et envoyez-leur ensuite vos pensées bienveillantes. Et vous devez procéder de la même façon pour vos professeurs. Vous essayez de les visualiser mentalement. Pour vos amis, vous essayez de voir leur visage et ensuite seulement vous leur envoyez vos pensées bienveillantes. La pratique de Metta Bhavana ne se limite donc pas à réciter des paroles machinalement. Il faut se concentrer de façon pénétrante sur les êtres à qui on envoie notre metta, que ce soit nos parents, nos professeurs, nos amis. On essaie de les visualiser mentalement et alors seulement on leur envoie nos pensées bienveillantes. Pour ce qui est des personnes que vous n'aimez pas, vos ennemis, vous devez également leur envoyer metta, mais vous devez essayer d'introduire dans votre esprit l'image de ces personnes souriante, bienveillante. Vous aussi, veillez à avoir l'esprit bienveillant à leur égard et envoyez leur metta alors de cette façon. Avasi imasame arame araka divata avira hontu adya petra hontu aniga hontu sukhiyatanam pariharantu. De ce temple, de cette demeure, de ce lieu, être libre de l'inimitié et du danger, puisse-t-il être libre de la souffrance mentale, puisse-t-il être libre de la souffrance physique, puisse-t-il être heureux et en bonne santé. Nous allons donc dorénavant réciter tous les matins ce Metta-Bhavana en pali. Si vous ne comprenez pas les mots pali, lorsque vous serez rentré chez vous, vous pouvez très bien réciter ces paroles dans votre propre langue. C'est toujours plus efficace de le faire dans sa propre langue. Vous allez donc envoyer ainsi votre metta à votre famille, à vos amis, à vos professeurs, à d'autres personnes. Mais la première personne à qui cette pratique va bénéficier, c'est vous-même. Si on envoie des pensées bienveillantes aux autres, si on leur souhaite d'être heureux, en bonne santé, hors de danger, ces personnes vont elles-mêmes nous rendre l'appareil et nous souhaiter à nous d'être heureuses, en bonne santé et hors de danger. Toutes ces paroles bienveillantes que nous leur envoyons, nous allons les recevoir en retour. Si vous envoyez du metta à votre voisin, pensez-vous qu'il sera fâché? Et si à l'inverse, votre voisin vous envoie son metta, serez-vous fâché? Si donc vous envoyez votre metta aux êtres visibles, aux êtres invisibles, ils vont le recevoir, ils se sentiront heureux, ils auront de la bienveillance pour vous et vous enverront en retour ces mêmes pensées bienveillantes. Ils vont ainsi devenir vos amis et vont vous protéger. Ce seront à la fois des amis et des gardiens. Vous aurez des anges gardiens, pourrait-on dire, qui vont vous protéger. Vous vous sentirez en sécurité et en conséquence, vous pourrez pratiquer facilement et développer rapidement une bonne attention. Votre concentration va se développer et vous pourrez réaliser les connaissances qui sont votre but. Les grands sayadaux ont coutume de dire que celui qui vit seul doit pratiquer sati l'attention, car une personne qui vit seule sera souvent envahie par toutes sortes de pensées. Il faut donc qu'elle soit vigilante. Par contre, si vous vivez en société, dans un groupe, dans une communauté, vous devez pratiquer metta et irradier, rayonner l'amour bienveillant envers toutes ces personnes qui vivent à côté de vous. C'est un très bon enseignement. Les personnes seules demeurent avec sati, les personnes qui vivent en communauté demeurent avec metta. Le Metta Sutta, le serment sur l'amour bienveillant, fut prononcé par le Bouddha la première fois lorsqu'un groupe de moines qui s'était rendu dans la forêt pour méditer n'arrivait pas à se concentrer. Ils expliquèrent au Bouddha qu'ils étaient dérangés par toutes sortes de bruits. Ces bruits avaient été provoqués par les devas, les esprits qui vivaient à cet endroit et qui ne voyaient pas d'un bon œil la présence des moines. Ces moines, en effet, avaient une moralité très pure et pratiquaient la méditation. Or, eux ne la pratiquaient pas. Ils espéraient donc que ces moines allaient quitter cet endroit. Pour les aider à quitter l'endroit, ils provoquaient toutes sortes de bruits, ils provoquaient des odeurs désagréables dans l'espoir de les voir quitter l'endroit. C'est alors que le Bouddha prononça le Metta Sutta et leur expliqua qu'ils devaient irradier Metta envers ces êtres. Les moines le firent et finalement ils devinrent amis. Ces esprits, ces devas, non seulement devinrent leurs amis, mais les protégèrent. et les moines purent progresser sensiblement dans leur pratique. Nous sommes ici dans une retraite vipassana et donc elle a la priorité. Vous allez pratiquer cette méditation sur l'amour bienveillant pendant 1 minute le matin avant de commencer vipassana. C'est suffisant. Essayez de le faire avec attention et en vous pénétrant de la signification des mots. Vous pouvez aussi pratiquer de façon résumée en souhaitant simplement à la totalité des êtres d'être heureux, en paix et en bonne santé. La totalité des êtres, Sabbe Sattā en pali, c'est en fait tous les êtres vivants, dans quelque plan que ce soit, visible ou invisible, proche ou lointain. C'est la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. C'est une façon résumée de pratiquer metta. Isayado ajoute que comme nous sommes ici en groupe, nous sommes environ 20-25 dans cette pièce, ce metta que nous envoyons tous individuellement sera très effectif. Et n'oubliez pas de continuer à pratiquer metta chez vous lorsque vous serez rentré à la maison. Sayado va terminer son enseignement en vous souhaitant à tous d'être libres de tout danger, de continuer à développer votre attention, votre concentration et finalement d'atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.